Toujours à l'occasion du jour de naissance du général Kim Jong-il, le comité central du Front démocratique national anti-impérialiste a adressé le 16 février un message de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un. Le message indique comme ce qui suit. La vie du général brille comme les annales de l'éminent leader et du patriote sans égal qui a accompli les exploits impérissables devant la patrie, la nation, l'époque et l'humanité, en dépit de toutes les épreuves de l'histoire, en portant haut le drapeau rouge de la Révolution. Grâce à sa direction de la lutte pan-nationale pour appliquer à fond la triple charte pour la réunification indépendante et la grande union nationale, on a vu naître l'époque de la réunification du 15 juin qui s'avance selon l'idéal entre nous les Coréens et le courant en faveur de la réunification indépendante, de la paix et de la prospérité. Aujourd'hui, l'idée et la cause du général sont continuées parfaitement par le dirigeant suprême Kim Jong-un à l'admiration de l'humanité. La voie et le stratagème pour la réunification de la patrie qu'il a précisé lors du 7e congrès du Parti du Travail de Corée et dans son message de Nouvel An 2017 sont le programme d'application qui permet d'achever le plus vite possible la cause de la réunification indépendante et aussi la bannière encourageante appelant toute la nation coréenne à la lutte pan-nationale pour édifier une puissance réunifiée prestigieuse et prospère. C'est la gloire suprême et le plus grand bonheur de la nation coréenne d'être dirigée par le maréchal Kim Jong-un qui anticipe la prospérité de la Corée du Sud et la réunification indépendante nationale par son leadership et son art de commandement extraordinaire et sa passion incomparable. Pour terminer, le dessinateur a exprimé la détermination d'ouvrir cette année marquant le 45e anniversaire de la publication de la Déclaration commune du 4 juillet et le 10e anniversaire de la publication de la Déclaration du 4 octobre la grande voie de la réunification indépendante en faisant de la ligne et de l'orientation originale en matière de réunification présentée par le maréchal la bannière invincible de la réunification de la patrie.